Livre 5, première partie du Paradis perdu de John Milton. Traduit par François René, vicomte Chateaubriand. Cet enregistrement LibreVox fait partie du domaine public. Enregistrement par Thomas Copeland. Livre 5, première partie. Argument. Le matin approchait, Ève raconte à Adam son rêve fâcheux. Il n'aime pas ce rêve. Cependant, il la console. Ils sortent pour leurs travaux du jour, leur hymne du matin à la porte de leur berceau. Dieu, afin de rendre l'homme inexcusable, envoie Raphaël pour l'exhorter à l'obéissance, lui rappeler son état libre, le mettre en garde contre son ennemi qui est proche, lui apprendre quel est cet ennemi, pourquoi il est son ennemi, et tout ce qu'il est utile en outre à Adam de connaître. Raphaël descend au paradis, sa figure décrite, sa venue découverte au loin par Adam, assise à la porte de son berceau. Adam va à la rencontre de l'ange, l'amène à sa demeure et lui offre les fruits les plus choisis cueillis par Ève. Leur discours à table. Raphaël accomplit son message, fait souvenir Adam de son état et de son ennemi. À la demande d'Adam, il raconte quel est cet ennemi, comment il est devenu. En commençant son récit à la première révolte de Satan dans le ciel, il dit la cause de cette révolte. Comment l'esprit rebelle entraîna ses légions après lui dans les parties du nord. Comment il les incita à se révolter avec lui. Les persuada tous, excepté Abdiel, le séraphin, qui combat ses raisons, s'oppose à lui et l'abandonne. Déjà le matin, avançant ses pas de rose dans les régions de l'Est, semait la terre de perles orientales lorsqu'Adam s'éveilla. Telle était sa coutume, car son sommeil, léger comme l'air, entretenu par une digestion pure et des vapeurs douces et tempérées, était légèrement dispersé par le seul bruit des ruisseaux fumants, des feuilles agitées, éventail de l'aurore, et par le chant matinal et animé des oiseaux sur toutes les branches. Il est d'autant plus étonné de trouver Ève non éveillée, la chevelure en désordre, et les joues rouges, comme dans un repos inquiet. Il se soulève à demi, appuyé sur le coude. Penché amoureusement sur elle, il contemple, avec des regards d'un cordial amour, la beauté qui, éveillée ou endormie, brille de grâce particulière. Alors, d'une voix douce, comme quand Zéphyr souffle sur Flore, touchant doucement la main d'Ève, il murmure ces mots. Éveille-toi, ma très belle, mon épouse, mon dernier bien trouvé. Le meilleur est le dernier présent du ciel, mon délice toujours nouveau. Éveille-toi. Le matin brille et la fraîche campagne nous appelle. Nous perdons les prémices du jour, le moment de remarquer comment poussent nos plantes soignées, comment fleurit le bocage de citronnier, d'où coule la myrrhe. Est-ce que distille le balsamique roseau? Comme la nature peint ses couleurs. Comment l'abeille se pose sur la fleur pour en extraire la douceur liquide. Ainsi murmurant, il l'éveille, mais jetant sur Adam un œil effrayé et l'embrassant, elle parla ainsi. « Oh, toi, le seul en qui mes pensées trouvent tout repos, ma gloire, ma perfection. Que j'ai de joie de voir ton visage, et le matin revenu, cette nuit. Jusqu'à présent, je n'ai jamais passé une nuit pareille. Je rêvais, si je rêvais, non de toi, comme je fais souvent, non des ouvrages du jour passé ou du projet du lendemain, mais d'offenses et de troubles que mon esprit ne connut jamais avant cette nuit accablante. Il m'a semblé que quelqu'un, attaché à mon oreille, m'appelait avec une voix douce pour me promener. Je crus que c'était la tienne. Elle disait, « Pourquoi dors-tu, Ève ? Voici l'heure charmante, fraîche, silencieuse, sauf où le silence cède à l'oiseau harmonieux de la nuit, qui, maintenant éveillé, soupire sa plus douce chanson, enseignée par l'amour. La lune, remplissant tout son orbe, règne, et avec une plus agréable clarté, fait ressortir sur l'ombre la face des choses. C'est en vain si personne ne regarde. Le ciel veille avec tous ses yeux, pour qui contempler, si ce n'est toi, au désir de la nature. À ta vue, toutes les choses se réjouissent, attirées par ta beauté pour l'admirer toujours avec ravissement. » Je me suis levé à ton appel, mais je ne t'ai point trouvé. Pour te chercher, j'ai dirigé alors ma promenade. Il m'a semblé que je passais seul des chemins qui m'ont conduit tout à coup à l'arbre de la science défendue. Il paraissait beau, beaucoup plus beau à mon imagination que pendant le jour. Et comme je le regardais en m'étonnant, une figure se tenait auprès, semblable par la forme et les ailes à l'un de ceux-là du ciel que nous avons vu souvent. Ses cheveux humides de rosée exhalaient l'ambroisie. Il contemplait l'arbre aussi, et il disait, « Ô belle plante de fruits surchargés, personne ne daigne-t-il te soulager de ton poids et goûter de ta douceur, ni Dieu ni homme? La science est-elle si méprisée? L'envie ou quelque réserve défendent-elles de goûter? Le défende qui voudra, nul ne me privera plus longtemps de ton bien offert. Pourquoi autrement est-il ici? » Il dit et ne s'arrêta pas, mais d'une main téméraire, il arrache, il goûte. Moi, je fus glacé d'une froide horreur à des paroles si hardies, confirmées par une si hardie action. Mais lui, transporté de joie, « Ô fruit divin, doux par toi-même, mais beaucoup plus doux, ainsi cueilli. Défendu ici, ce semble, comme ne convenant qu'à des dieux. Et cependant capable de faire Dieu des hommes. Et pourquoi pas, puisque plus le bien est communiqué, plus il croit abondant, puisque l'auteur de ce bien n'est pas offensé, mais honoré davantage. Ici, créature heureuse, Ève, bel ange, partage avec moi. Quoique tu sois heureuse, tu peux être plus heureuse encore, bien que tu ne puisses être plus digne de bonheur. Goûte ceci et sois désormais parmi les dieux, toi-même déesse, non plus à la terre confinée, mais comme nous, tantôt tu seras dans l'air, tantôt tu monteras au ciel par ton propre mérite. Et tu verras de quelle vie vivent là des dieux, et tu vivras d'une pareille vie. » Parlant ainsi, il approche et me porte jusqu'à la bouche la partie de ce même fruit qu'il tenait et qu'il avait arraché. L'odeur agréable et savoureuse éveilla si fort l'appétit qu'il me parut impossible de ne pas goûter. Aussitôt, je m'envole avec l'esprit du haut des nues, et au-dessous de moi, je vois la terre se déployer immense, perspective étendue et variée. dans cette extrême élévation, m'étonnant de mon vol et de mon changement, mon guide disparaît tout à coup, et moi, ce me semble, je suis précipité en bas et je tombe endormi. Mais oh, que je fus heureuse lorsque je me réveillai de trouver que cela n'était qu'un songe. Ainsi Ève raconta sa nuit, et ainsi Adam lui répondit, attristé. Image la plus parfaite de moi-même, et ma plus chère moitié. Le trouble de tes pensées cette nuit dans le sommeil m'affecte comme toi. Je ne puis aimer ce songe décousu, provenu du mal, je le crains. Cependant le mal, d'où viendrait-il? Aucun mal ne peut habiter en toi, créature si pure. Mais sache que dans l'âme il existe plusieurs facultés inférieures qui servent la raison comme leur souveraine. Entre celles-ci, l'imagination exerce le principal office. De toutes les choses extérieures que représentent les cinq sens éveillés, elle se crée des fantaisies, des formes aériennes que la raison assemble ou sépare, et dont elle compose tout ce que nous affirmons ou ce que nous nions, et ce que nous appelons notre science ou notre opinion. La raison se retire dans sa cellule secrète quand la nature repose. Souvent, pendant son absence, l'imagination, qui se plaît à contrefaire, veille pour l'imiter. Mais joignant confusément des formes, elle produit souvent un ouvrage bizarre, surtout dans les songes, assortissant mal des paroles et des actions récentes ou depuis longtemps passées. Je trouve ainsi, à ce qu'il me paraît, quelques traces de notre dernière conversation du soir dans ton rêve, mais avec une addition étrange. Cependant, ne sois pas triste. Le mal peut aller et venir dans l'esprit de Dieu ou de l'homme, sans leur aveu, et n'y laisser ni tache ni blâme. Ce qui me donne l'espoir que ce que tu aborrais de rêver dans le sommeil, éveillé, tu ne consentirais jamais à le faire. N'aie donc pas le cœur abattu. Ne couvre pas de nuages ces regards qui ont coutume d'être plus radieux et plus sereins qu'il ne l'est à la terre le sourire d'un beau matin. Levons-nous pour nos fraîches occupations parmi les bocages, les fontaines et les fleurs, qui en trouvent à présent leur sein, rempli des parfums les plus choisis, réservés de la nuit et gardés pour toi. Il ranimait ainsi sa belle épouse, et elle était ranimée, mais silencieusement ses yeux laissèrent tomber un doux pleur. Et les essuya avec ses cheveux. Deux autres précieuses larmes se montraient déjà à leur source de cristal. Adam les cueillit dans un baiser avant leur chute, comme les signes gracieux d'un tendre remords et d'une timidité pieuse qui craignait d'avoir offensé. Ainsi tout fut éclairci. Et ils se hâtèrent vers la campagne. Mais au moment où ils sortirent de dessous la voûte de leur berceau d'arbre, ils se trouvèrent d'abord en pleine vue du jour naissant et du soleil à peine levé, qui effleurait encore des roues de son char l'extrémité de l'océan, lançait parallèle à la terre ses rayons remplis de rosée, découvrant dans un paysage immense tout l'Orient du paradis et les plaines heureuses d'Éden. Ils s'inclinèrent profondément, adorèrent et commencèrent de prières, chaque matin dûment offertes en différents styles. Car ni le style varié, ni le saint enthousiasme ne leur manquaient pour louer leur créateur en justes accords prononcés ou chantés, sans préparation aucune. Une éloquence rapide coulait de leurs lèvres, en prose ou en vers nombreux, si remplis d'harmonie qu'ils n'avaient besoin ni du luth ni de la harpe pour ajouter à leur douceur. Ce sont là tes glorieux ouvrages, Père du bien, ô Tout-Puissant. Et les tiennes, cette structure de l'univers, si merveilleusement belle. Quelle merveille es-tu dans toi-même, être inénarrable, toi qui, assis au-dessus des cieux, es pour nous, ou invisible, ou obscurément entrevu dans tes ouvrages les plus inférieurs, lesquels pourtant font éclater au-delà de toute pensée ta bonté et ton pouvoir divin. Parlez, vous qui pouvez mieux dire, vous, fils de la lumière, ange, car vous le contemplez, et avec des cantiques et des chœurs de symphonie, dans un jour sans nuit, plein de joie, vous entourez son trône, vous dans le ciel. Sur la terre, que toutes les créatures le glorifient, lui le premier, lui le dernier, lui le milieu, lui sans fin. Ô la plus belle des étoiles, la dernière du cortège de la nuit, si plutôt tu n'appartiens pas à l'aurore, gage assuré du jour, toi dans le cercle brillant, couronne le riant matin. Célèbre le Seigneur dans ta sphère, quand l'aube se lève à cette charmante première heure. Toi, soleil, à la fois l'œil et l'âme de ce grand univers, reconnais le plus grand que toi. Fais retentir sa louange dans ta course éternelle, et quand tu gravis le ciel, et quand tu atteins la hauteur du midi, et lorsque tu tombes. Lune, qui tantôt rencontre le soleil dans l'Orient, qui tantôt fuit avec les étoiles fixes, fixées dans leur orbe qui fuit. Et vous, autres feux errants, qui tous cinq figurez une danse mystérieuse, non sans harmonie, chantez la louange de celui qui des ténèbres appela la lumière. Air, et vous, éléments les premiers-nés des entrailles de la nature, vous qui dans un quaternaire parcourez un cercle perpétuel, vous qui multiformes, mélangez et nourrissez toutes choses, que vos changements sans fin varient de notre grand Créateur la nouvelle louange. Vous, brouillard et exhalaison qui en ce moment, gris ou terne, vous élevez de la colline ou du lac fumeux, jusqu'à ce que le soleil peigne d'or vos franges laineuses, levez-vous en l'honneur du grand Créateur du monde, et soit que vous tendiez du nuage le ciel décoloré, soit que vous abreuviez le sol altéré avec des pluies tombantes, en montant ou en descendant, répandez toujours sa louange. Sa louange, vous, ô vent qui soufflez des quatre parties de la terre, soupirez-la avec douceur ou force, inclinez vos têtes vos pins. Vous, plantes de chaque espèce, en signe d'adoration, balancez-vous. Fontaine, et vous qui gazouillez, tandis que vous coulez, mélodieux murmure, en gazouillant, dites sa louange. Unissez vos voix, vous toutes, âmes vivantes, oiseaux qui montez en chantant à la porte du ciel, sur vos ailes et dans vos hymnes, élevez sa louange. Vous qui glissez dans les eaux, et vous qui vous promenez sur la terre, il a foulé avec majesté ou qui rampait humblement. Soyez témoins que je ne garde le silence, ni le matin, ni le soir. Je prête ma voix à la colline ou à la vallée, à la fontaine ou au frais ombrage, et mon chant les instruit de sa louange. Salut, universel Seigneur, sois toujours libéral pour ne nous donner que le bien, et si la nuit a recueilli ou caché quelque chose de mal, disperse-le, comme la lumière chasse maintenant les ténèbres. Innocents, ils prièrent, et leurs pensées recouvrèrent promptement d'une paix ferme et le calme coutumé. Ils s'empressèrent à leur ouvrage champêtre du matin, parmi la rosée et les fleurs, là où quelques rangs d'arbres fruitiers, surchargés de bois, étalaient trop leurs branches touffues, et avaient besoin qu'une main réprimât leurs embrassements inféconds. Ils amènent la vigne pour la marier à son ormeau. Elle, épousée, entrelace autour de lui ses bras nubiles et lui apporte en dot ses grappes adoptées, afin d'orner son feuillage stérile. Le puissant roi du ciel vit avec pitié nos premiers parents occupés de la sorte. Il appelle lui Raphaël, esprit sociable, qui daigna voyager avec Tobie et assura son mariage avec la Vierge cette fois mariée. « Raphaël, dit-il, tu sais quel désordre sur la terre Satan, échappé de l'enfer à travers le gouffre ténébreux, a élevé dans le paradis. Tu sais comment il a troublé cette nuit le couple humain, et comment il projette de perdre en lui, du même coup, la race humaine. Va donc, cause la moitié de ce jour avec Adam, comme un ami avec un ami. Tu le trouveras dans quelque berceau, ou tout quelque ombrage, retiré à l'abri de la chaleur du midi, pour se débarrasser un moment de son travail quotidien, par la nourriture ou par le repos. Tiens-lui des discours tels qu'ils lui rappellent son heureux état. Le bonheur qu'il possède, laissé libre à volonté, laissé à sa propre volonté libre, à sa volonté qui, quoique libre, est changeante. Avertis-le de prendre garde de s'égarer par trop de sécurité. Dis-lui surtout son danger et de qui il vient. Dis-lui quel ennemi, lui-même récemment tombé du ciel, complote à présent de faire tomber les autres d'un pareil état de félicité. Par la violence, non, car elle serait repoussée, mais par la fraude et les mensonges. Fais-lui connaître tout cela de peur qu'ayant volontairement transgressé, il n'allègue la surprise, n'ayant été ni averti ni prévenu. Ainsi parla l'Éternel Père, et il accomplit toute justice. Le Saint-Élève ne diffère pas après avoir reçu sa mission, mais du milieu de mille célestes ardeurs où il se tenait, voilé de ses magnifiques ailes, il s'élève léger et vole à travers le ciel. Les cœurs angéliques, s'écartant des deux côtés, livrent un passage à sa rapidité à travers toutes les routes de l'Empyrée, jusqu'à ce qu'arrivée aux portes du ciel, elle s'ouvre largement d'elle-même, tournant sur le gond d'or, ouvrage divin du souverain architecte. Aucun nuage, aucune étoile interposée n'obscurcissant sa vue, il aperçoit la terre, toute petite qu'elle est, et ressemblant assez aux autres globes lumineux. Il découvre le jardin de Dieu couronné de cèdres au-dessus de toutes les collines. Ainsi, mais moins sûrement, pendant la nuit, le ver de Galilée observe dans la lune des terres et des régions imaginaires. Ainsi le pilote, parmi les Cyclades, voyant d'abord apparaître Délos ou Samos, les prend pour une tache de nuage. Là, en bas, Raphaël hâte son vol précipité, et à travers le vaste firmament éthéré, vogue entre des mondes et des mondes. Tantôt, l'aile immobile, il est porté sur les vents polaires. Tantôt, son aile, éventail vivant, frappe l'air élastique, jusqu'à ce que, parvenu à la hauteur de l'essor des aigles, il semble à tous les volatiles un phénix, regardé par tous avec admiration, comme cet oiseau unique, alors que, pour enchâsser ses reliques dans le temple brillant du soleil, il vole vers le Thèbes d'Égypte. Tout à coup, sur le sommet oriental du paradis, l'ange s'abat et reprend sa propre forme, séraphin ailé. Pour ombrager ses membres divins, il porte 6 ailes. La paire qui revêt chacune de ses larges épaules revient, ornement royal, comme un manteau sur sa poitrine. La paire du milieu entoure sa taille ainsi qu'une zone étoilée. Borde ses reins et ses cuisses d'un duvet d'or et de couleurs trempées dans le ciel. La dernière ombrage ses pieds et s'attache à ses talons en plumes maillées, couleur du firmament. Semblable au fils de Maïa, il se tient debout et secoue ses plumes qui remplissent d'un parfum céleste la vaste enceinte d'alentour. Incontinent, toutes les troupes d'anges de garde le reconnurent et se levèrent en honneur de son rang et de son message suprême, car elles pressentirent qu'il était chargé de quelque haut message. Ils passent leur tente brillante et il entre dans le champ fortuné, au travers des bocages de myrrhe, des odeurs florissantes de l'acacie, du nard et du baume. Des airs de parfum. Ici, la nature folâtrait dans son enfance et se jouait à volonté dans ses fantaisies virginales, versant abondamment sa douceur, beauté sauvage, au-dessus de la règle de l'art, ô énormité de bonheur. Raphaël s'avançait dans la forêt aromatique. Adam l'aperçut. Il était assis à la porte de son frais berceau, tandis que le soleil, à son midi, dardait à plomb ses rayons brûlants pour échauffer la terre dans ses plus profondes entrailles, chaleur plus forte qu'Adam n'avait besoin. Ève, dans l'intérieur du berceau, attentive à son heure, préparait pour le dîner des fruits savoureux. D'un goût à plaire au véritable appétit et à ne pas ôter par intervalle la soif d'un breuvage de nectar que fournissent le lait, la baie ou la grappe. Adam appelle Ève. Accours ici, Ève. Contemple quelque chose digne de ta vue. À l'Orient, entre ces arbres, quelle forme glorieuse s'avance par ce chemin. Elle semble une aurore. Levé à midi. Ce messager nous apporte peut-être quelque grand commandement du ciel et daignera ce jour être notre hôte. Mais va vite, et ce que contiennent tes réserves, apporte-le. Prodigue l'abondance convenable pour honorer et recevoir notre divin étranger. Nous pouvons bien offrir leurs propres dons à ceux qui nous les donnent et répandre largement. Ce qui nous est largement accordé, ici où la nature multiplie sa fertile production et en s'en débarrassant devient plus féconde, ce qui nous enseigne à ne point épargner. Ève lui répond. Adam, moule sanctifié d'une terre inspirée de Dieu, peu de provisions sont nécessaires là où ces provisions en toutes les saisons mûrissent pour l'usage, suspendues à la branche, excepté des fruits qui, dans une réserve frugale, acquièrent de la consistance pour nourrir et perdent une humidité superflue. Mais je me hâterai, et de chaque rameau et de chaque tige, de chaque plante et de chaque courge succulente, j'arracherai un tel choix pour traiter notre hôte angélique, qu'en le voyant, il avouera qu'ici sur la terre, Dieu a répandu ses bontés comme dans le ciel. Elle dit, et part à la hâte, avec des regards empressés, préoccupée de pensées hospitalières. Comment choisir ce qu'il y a de plus délicat? Quel ordre pour ne pas mêler les goûts, pour ne pas les assortir inélégants, mais pour qu'une saveur succède à une saveur relevée par le changement le plus agréable. Ève court, et de chaque tendre tige, elle cueille ce que la terre, cette mère qui porte tout, donne à l'Inde orientale et occidentale, au rivage du milieu, dans le pont, sur la côte punique, ou sur les bords qui vit régner Elsinous, fruit de toute espèce, d'une écorce raboteuse ou d'une peau unie, renfermée dans une bogue ou dans une coquille, large tribut qu'Ève recueille et qu'elle amoncelle sur la table d'une main prodigue. Pour boisson, elle exprime de la grappe un vin doux, inoffensif. Elle écrase différentes baies, et des douces amandes pressées, elle mélange une crème onctueuse. Elle ne manque point de vase convenable et pur pour contenir ses breuvages. Puis elle sème la terre de roses et des parfums de l'arbrisseau qui n'ont point été exhalés par le feu. Cependant, notre premier père, pour aller à la rencontre de son hôte céleste, s'avance hors du berceau, sans autre suite que celle de ses propres perfections. En lui était toute sa cour, cour plus solennelle que l'ennuyeuse pompe que traînent les princes, alors que le riche et long cortège de pages chamarrés d'or, de chevaux conduits en main, éblouit les spectateurs et laisse la bouche béante. Dès qu'il fut en présence de l'archange, Adam, quoique non intimidé, toutefois avec un abord soumis et une douceur respectueuse, s'inclinant profondément comme devant une nature supérieure, lui dit, natif du ciel, car aucun autre lieu que le ciel ne peut renfermer une si glorieuse forme, puisqu'en descendant des trônes d'en haut, tu as consenti à te priver au moment de ces demeures fortunées et à honorer celles-ci, daigne avec nous qui ne sommes ici que deux et qui, cependant, par un don souverain, possédons cette terre spacieuse, daigne te reposer sous l'ombrage de ce berceau. Viens t'asseoir pour goûter ce que ce jardin offre de plus choisi, jusqu'à ce que la chaleur du midi soit passée et que le soleil plus refroidi décline. L'angélique vertu lui répondit avec douceur. Adam, c'est pour cela même que je viens ici. Tu es créé tel, où tu as ici un tel séjour pour demeure, que cela peut souvent inviter les esprits, même du ciel, à te visiter. Conduis-moi donc, où ton berceau surombrage, car de ces heures du milieu du jour, jusqu'à ce que le soir se lève, je puis disposer. Ils arrivèrent à la demeure sylvaine, qui, semblable à la retraite de Pomone, souriait, parée de fleurs et de senteurs charmantes. Mais Ève, non parée, excepté d'elle-même, plus aimablement belle qu'une nymphe des bois, ou que la plus belle des trois déesses fabuleuses, qui luttèrent nues sur le mont Ida, Ève se tenait debout pour servir son hôte du ciel. Couverte de sa vertu, elle n'avait pas besoin de voile. Aucune pensée infirme n'altérait sa joue. L'ange lui donna le salut, la sainte salutation, employée longtemps après, pour bénir Marie, seconde Ève. Salut, mère des hommes, dont les entrailles fécondes rempliront le monde de tes fils, plus nombreux que ces fruits variés dont les arbres de Dieu ont chargé cette table. Leur table était un gazon élevé et touffu, entouré de sièges de mousse. Sur son ample surface carrée, d'un bout à l'autre, tout l'automne était entassé. Quoiqu'alors le printemps et l'automne dansassent ici, main en main. Adam et l'ange discoururent quelque temps. Ils ne craignent pas que les mets refroidissent. Notre père commença de la sorte. Céleste étranger, qu'il te plaise goûter ces bontés que notre nourricier, de qui tout bien parfait de sens sans mesure, a ordonné à la terre de nous céder pour aliment et pour délices, nourriture peut-être insipide pour les natures spirituelles. Je sais seulement ceci, un Père céleste donne à tous. L'ange répondit, ainsi ce qu'il donne, sa louange soit à jamais chantée, à l'homme en partie spirituel, peut n'être pas trouvé une ingrate nourriture par les plus purs esprits. Les substances intellectuelles demandent la nourriture comme vos substances rationnelles. Les unes et les autres ont en elles la faculté inférieure des sens, au moyen desquels elles écoutent, voient, sentent, touchent et goûtent. Le goût raffine, digère, assimile et transforme le corporel en incorporel. Sache que tout ce qui a été créé a besoin d'être soutenu et nourri. Parmi les éléments, le plus grossier alimente le plus pur. La terre et la mer nourrissent l'air. L'air nourrit ses feux éthérés. Et d'abord la lune, comme le plus abaissé. De là, sur sa face ronde, ses taches, vapeurs non purifiées, qui ne sont point encore convertis en sa substance. La lune, de son continent humide, exhale aussi l'aliment aux orbes supérieurs. Le soleil, qui dispense la lumière à tous, reçoit de tous, en humides exhalaisons, ses récompenses alimentaires. Et le soir, il fait son repas avec l'océan. Quoique dans le ciel les arbres de vie portent un fruitage d'ambroisie et que les vignes donnent le nectar, quoique chaque matin nous enlevions sur les rameaux des rosées de miel, que nous trouvions le sol couvert d'un grain perlé, cependant ici Dieu a varié sa bonté avec tant de nouvelles délices qu'on peut comparer ce jardin au ciel. Et pour ne pas goûter à ces dons, ne pense pas que je sois assez difficile. Ainsi l'ange et Adam s'assirent et tombèrent sur le mets. L'ange mangea non pas en apparence, en fumée, le dire comme un des théologiens, mais avec la vive hâte d'une faim réelle et la chaleur digestive pour transsubstancier. Ce qui surabonde transpire facilement à travers les esprits. Il ne faut pas s'en étonner si par le feu du noir charbon l'empirique alchimiste peut transmuer, ou quoi qu'il est possible de transmuer, les métaux les plus grossiers en or aussi parfait que celui de la mine. Cependant, à table, Ève servait nue et couronnée d'agréables liqueurs leurs coupes à mesure qu'elles se vidaient. Ô innocence digne du paradis! Si jamais les fils de Dieu eussent pu avoir une excuse pour aimer, c'eût été alors, c'eût été à cette vie mais dans ses cœurs l'amour pudique régnait, et ils ignoraient la jalousie, l'enfer de l'amant outragé. Fin du livre 5, première partie. Enregistrement par Thomas Copeland.